Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 Trois-Rivières. C'est la 200e émission de Rock de Neurones, émission consacrée au rock progressif. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux heures-là, on va entendre Southern Empire d'Australie, Oak de Norvège, Aliente d'Italie. On aura le groupe québécois Sidemind. On va avoir un petit épisode de Canterbury avec Soft Machine d'Angleterre et National Health. Et le dernier bloc de l'émission sera consacré à un autre groupe québécois, Carsius. Ça va être suivi de Crystal Palace d'Allemagne et un groupe britannique nouveau, Fabric of Reality Project. Alors, le premier bloc de l'émission est, comme habituellement, consacré à l'album de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons un groupe australien, Southern Empire. Southern Empire existe depuis 2014. C'est un groupe qui a été formé par un des musiciens de Unitopia. C'est un groupe aussi qui, Unitopia, a donné naissance à la dissolution à United Fraternity, c'est-à-dire United Progressive Fraternity. Ça, c'est un groupe qui a été formé avec Guy Manning du groupe de Tangent. Mais si je reviens à Southern Empire, ils ont produit un premier album homonyme en 2016 et ils viennent de faire paraître Civilization. Ça, c'est paru il y a quelques mois déjà. Et cet album-là est quand même intéressant dans le sens qu'il y a 68 minutes de très bon rock progressif. Et ça, c'est distribué sur 4 pièces seulement. Et je note aussi la participation d'un très bon musicien, là, Steve Unruh, qui fait partie de Samurai of Prague. Il officie dans cet album-là de Southern Empire à titre de violoniste et de flûtiste. Sans plus tarder, je vous propose la pièce « Crossroads ». Protector of the traveling man, the keeper. No. can be confused. Our journey only just begun. The guide is not excused. Offerings and choices from the guardian of the door. The point in which we make the choice dictates the inner core. How many decisions can breed reality? From the mundane to the magical, there's no guarantee. Are we all on the same path? Are we heading to the light? Are we going through the right door? Will we all reunite? When will we all reunite? Now the truth is what we seek. It's everything we are. Have we found the right way? Or have we gone too far? There's no way turn back if we can't reach the cross. On the only road to reason, will we all reunite? When will we all reunite? Will we all reunite? before my eyes could fade. You fooled me once, but not again. I walk away this time and head in the direction I'm supposed to go. From below, I

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on va aller du côté de la Norvège avec le groupe Oak. C'est un groupe qui est formé depuis à peu près 5 ans. Ils nous ont fait un beau cadeau en 2013 avec l'album Lighthouse, qui a été très apprécié. Et ils reviennent avec False Memory Archive. Et ça, c'est un nouvel album qu'on va avoir la chance d'entendre le printemps prochain, en mai 2019, au Festival Terra Incognita à Québec. Ils seront là avec Bjorn Riss, le guitariste de Airbag aussi, qui fait partie comme invité de la formation Oak. Je rouvre une petite parenthèse ici pour dire que Bjorn Riss, on aura la totale, en fait, durant cette fin de semaine de 3 jours-là, parce qu'il va présenter ses albums en solo, Bjorn Riss. Il va aussi faire une prestation avec son groupe attitré Airbag. Et puis, il va nous proposer aussi une prestation avec Oak. Alors, on va entendre la pièce Psalm 51. Ça, c'est extrait de leur plus récent album. Et après ça, on va aller du côté de l'Italie avec Aliente. C'est un groupe qu'on a déjà fait jouer à l'émission il y a quelques mois. L'album est paru en 2017. Il s'intitule « Former, libérer ». Et on va entendre la pièce « L'Ultima Balena ». Et on va conclure le bloc avec une formation québécoise du nom de Side Mind. C'est un nouveau groupe sur la scène du rock progressif québécois. C'est un groupe qui a sorti un album en 2017. C'est « Erosion ». Et on va entendre un extrait de la longue pièce qui est la pièce titre de l'album. Alors, on débute ça avec Oak. Under fluorescent lights, concrete floors that echoes all the fear in me. First in line, gathered in the morning, and then disappear. I can hear the sound of life returning to the soil, and it's killing me. All our names, our numbers, and our fall will make no sound, silent eternity. Heartbeat. Alors ça, c'était un extrait de la pièce « Érosion ». C'est tiré de l'album du même nom. C'est un groupe québécois du nom de Sidemind. Ça, c'est paru en 2017. Alors, après la pause du Canterbury. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on va consacrer le troisième bloc à du Canterbury. Pour ceux qui ignorent ce qu'est le Canterbury, bien, c'est une région d'Angleterre d'où origine une multitude, une vraie fourmilière de musiciens qui ont œuvré au sein des groupes comme Soft Machine, Hatfield and the North, Gong, Egg, entre autres. C'est une musique qui a inspiré, je dirais plus Gong, parce que Gong, c'est, ça ne vient pas de, nécessairement de la région Canterbury, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a 50 ans, The Soft Machine sortait son premier album en 1968, et il y a eu une multitude de changements dans le groupe, et de sorte qu'au septième album ou au huitième album qu'on va entendre, une pièce, c'est Bundles. Et je pense qu'il y a un seul musicien qui faisait partie de la formation d'origine. Et on va suivre avec un groupe de la même mouvance, c'est National Health. National Health qui a gravité autour de David Stewart, notamment, qui lui venait originellement de Egg. Et on a aussi Pip Pyle qui a fait partie d'une multitude de groupes aussi, qui faisait partie de National Health. Et Phil Miller aussi. En tout cas, c'est une fourmilière, comme je disais tantôt. Alors, de National Health, ben, j'ai un extrait, c'est de Theramos Road. Ça, c'est issu du premier album. Alors, on débute avec The Soft Machine. Thank you.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission et on a trois nouveautés. La première, c'est du Québec. C'est le groupe Carcius qui vient de faire paraître, il n'y a pas tellement longtemps, le cinquième album. Le groupe existe depuis 2004. Alors, en 14 ans, on a eu 5 albums, donc une fréquence raisonnable. Et le dernier album s'intitule « The Fold » et je vous propose la pièce « Goodbye ». Ensuite, on aura une nouveauté de l'Allemagne, c'est le groupe Crystal Palace. Crystal Palace qui existe depuis 1995, ont 8 albums studio et le dernier s'intitule Scattered Shards et je vous propose la pièce The Logic of Fear. Et en conclusion de l'émission, nous aurons un nouveau projet britannique du nom de Fabric of Reality Project. L'album s'intitule Still Life. C'est quand même 72 minutes de très bonne musique. Et la pièce que j'ai extraite de cet album-là, c'est Tempus Mutatio. Alors, on débute ça avec Carcius du Québec. The morning comes again. Farmer's wife is dead. She gave him all that she could bear. A crucifix upon still shines deep within his chest that will never be seen again. Goodbye to free from the cold, free from the pain. So long, circle of joy, circle of fame. Deep blue sea, the fisherman waiting for peace. The hook so deep beneath his skin, the blood and color of his skin. Oh, You pay for a home that you know you were never own. And they have fought you good, blindsided you, my dear. Now the banks ruin your life by the logic of fear. The logic of fear. Alors, c'était The Fabric of Reality Project. C'est un nouveau groupe britannique. Et on a entendu la pièce Tempus Mutatio. C'est extrait de l'album Still Life. Et auparavant, nous avions une nouveauté du groupe allemand Crystal Palace et en début de bloc, c'était une nouveauté du groupe québécois Carsius. Si vous voulez avoir toute l'information concernant ce qui a joué durant l'émission, allez consulter la page Facebook Rock de Neurone et vous allez y trouver tout ce que vous avez besoin et plus encore. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et qui vous invite à vous joindre à nous pour une nouvelle émission de Rock de Neurone sur les ondes de C'est fou, FM 89.1 à Trois-Rivières.